Le rouge et le noir. Chronique de 1830, de Stendhal. Feuilleton en 15 épisodes. Adaptation Hélène Bleskin. Une réalisation de Michel Sidorov. 12e épisode. Julien et Mathilde se promènent dans le jardin de l'hôtel de la Mole. Ils ont de longues conversations. Mathilde découvre le bonheur d'aimer. Elle donne rendez-vous à Julien dans sa chambre au cœur de la nuit. Malgré sa peur et ses scrupules vis-à-vis du marquis, Julien rejoint Mathilde. Les jours suivants cette nuit d'amour, Mathilde se montre pourtant froide avec Julien, avant de lui céder une nouvelle fois. Le lendemain, elle l'ignore encore. Enfin, elle lui déclare ne plus l'aimer. Un matin, à 7 heures, Julien rêvait profondément, lorsque tout à coup, il vit Mathilde entrer dans la bibliothèque. Je sais, monsieur, que vous désirez me parler. Grand Dieu, qui vous l'a dit ? Je le sais, que vous importe. Si vous manquez d'honneur, vous pouvez me perdre, ou du moins le tenter. Mais ce danger que je ne crois pas réel ne m'empêchera certainement pas d'être sincère. Je ne vous aime plus, monsieur. Mon imagination folle m'a trompée. Chaque mot centuplait l'affreux malheur de Julien. Il voulut fuir. Mademoiselle de la Mole le retint par le bras avec autorité. Je veux guérir à jamais votre petit amour-propre des idées qu'il a pu se figurer sur mon compte. Lorsque Julien put sortir de la bibliothèque, il était tellement étonné qu'il en sentait moins son malheur. Eh bien, elle ne m'aime plus. Il paraît qu'elle m'a aimé 8 ou 10 jours, et moi je l'aimerai toute la vie. Est-il bien possible ? Elle n'était rien, rien pour mon cœur il y a si peu de jours. La conclusion que Julien tira dans le premier moment d'une scène si étonnante fut que Mathilde avait un orgueil infini. Il croyait fermement que tout était fini à tout jamais entre eux. Et cependant, le lendemain, au déjeuner, il fut gauche et timide devant elle. Ce jour-là, après le déjeuner, comme Madame de la Mole lui demandait une brochure, Julien, en la prenant sur une console, fit tomber un vieux vase de porcelaine bleue. C'était du vieux Japon, un présent des Hollandais au duc d'Orléans régent qu'il avait donné à sa fille. Mathilde avait suivi le mouvement de sa mère, ravie de voir briser ce vase bleu qui lui semblait horriblement laid. Julien était silencieux et point trop troublé. Ce vase est à jamais détruit. Il vit Mademoiselle de la Mole tout près de lui. Ainsi en est-il d'un sentiment qui fut autrefois le maître de mon cœur. Je vous prie d'agréer mes excuses de toutes les folies qu'il m'a fait faire. On dirait en vérité que ce monsieur Sorel est fier et content de ce qu'il vient de faire. Ce mot tomba directement sur le cœur de Mathilde. Alors seulement cessa la joie de la scène qu'elle lui avait faite la veille. Il est vrai, ma mère a deviné juste. Tel est le sentiment qui l'anime. Eh bien, tout est fini. Il me reste un grand exemple. Cette erreur est affreuse, humiliante. Elle me vaudra la sagesse pour tout le reste de la vie. Cet amour, loin de s'éteindre comme Julien l'espérait, fit des progrès rapides. Elle est folle, il est vrai. En est-elle moins adorable ? Est-il possible d'être plus joli ? 24 heures après la rupture du vase, Julien était décidément l'un des hommes les plus malheureux. Le marquis le fit appeler. Parlons un peu de votre mémoire. On dit qu'elle est prodigieuse. Pourriez-vous apprendre par cœur 4 pages et aller les réciter à Londres ? Ce numéro de la quotidienne que vous êtes en train de chiffonner n'est peut-être pas fort amusant. Mais si monsieur le marquis le permet, demain matin, j'aurai l'honneur de le lui réciter tout entier. Quoi ? Même les annonces ? Fort exactement. Et sans qu'il y manque un mot. Je ne vous demande pas votre serment de ne jamais répéter ce que vous allez entendre. Je vous connais trop pour vous faire cette injure. J'ai répondu de vous. Je vais vous mener dans un salon où se réuniront 12 personnes. Vous tiendrez note de ce que chacun dira. Vous partirez aussitôt après. Et il faudra courir la poste comme un jeune homme qui voyage pour ses plaisirs. Vous arriverez auprès d'un grand personnage. Au moment où son Excellence vous regardera, vous tirerez ma montre que voici et que je vous prête pour le voyage. Courez sur le champ, achetez un habillement complet. Mettez-vous à la mode d'il y a 2 ans. Il faut ce soir que vous ayez l'air peu soigné. En voyage, au contraire, vous serez comme à l'ordinaire. Une heure après, Julien était dans l'antichambre du marquis, avec une tournure subalterne. Si ce jeune homme me trahit, à qui se fier ? Montons en voiture. Ils arrivèrent dans un grand salon d'assez triste apparence. Le maître de la maison était un homme énorme, dont le nom ne fut point prononcé. Julien lui trouva la physionomie d'un homme qui digère. Sur un signe du marquis, Julien était resté au bas bout de la table. Pour se donner une contenance, il se mit à tailler des plumes. Il compta du coin de l'œil 7 interlocuteurs. Un nouveau personnage entra sans être annoncé. Est-ce que cette précaution serait prise en mon honneur ? Tout le monde se leva pour recevoir le nouveau venu. C'était un grand homme, très maigre, et qui portait 3 ou 4 gilets. C'est toute la physionomie du vieil évêque de Besançon. Le jeune évêque d'Agde parut. Il eut l'air fort étonné quand ses yeux arrivèrent à Julien. Il ne lui avait pas adressé la parole depuis la cérémonie de Bray-le-Haut. Quoi donc ? Connaître un homme me tournera-t-il toujours à malheur ? Des gens chargés par d'autres ou par eux-mêmes d'aussi grands intérêts doivent être fort susceptibles. Mon malheureux regard a quelque chose de peu respectueux qui sans doute les piquerait. Si je baisse décidément les yeux, j'aurai l'air de faire collection de leurs paroles. L'embarras de Julien était extrême quand un laquais entra précipitamment. Monsieur le duc de... Taisez-vous ! Vous n'êtes qu'un sot. Ce duc était un homme de 50 ans, mis comme un dandy et marchant par ressort. Son arrivée détermina l'ouverture de la séance. Je vous présente Monsieur l'abbé Sorel. Il est doué d'une mémoire étonnante. Il a appris par cœur la première page de la quotidienne. Ah ! Les nouvelles étrangères. Parlez, monsieur. Le silence était profond. Julien récita si bien qu'au bout de 20 lignes... Il suffit. Monsieur Sorel, retirez-vous dans la pièce voisine. On vous fera appeler. Les volets ne sont pas fermés. Il est inutile de regarder par la fenêtre. Me voici fourré dans une conspiration. Heureusement, elle n'est pas de celles qui conduisent en place de grève. Quand il y aurait du danger, je dois cela et plus encore au marquis. Heureux s'il m'était donné de réparer tout le chagrin que mes folies peuvent lui causer un jour. Longtemps, Julien fut laissé à ses réflexions. On parlait très haut dans la pièce voisine. Enfin, la porte s'ouvrit. On l'appela. Monsieur Sorel. Songez, messieurs, que de ce moment, nous parlons devant le duc de... Monsieur Sorel est un jeune lévite dévoué à notre sainte cause et qui redira facilement, à l'aide de sa mémoire étonnante, jusqu'à nos moindres discours. Julien prit du papier et écrivit beaucoup. Ici, l'auteur eût voulu placer une page de point. Cela aura mauvaise grâce, dit l'éditeur. Et pour un écrit aussi frivole, manquer de grâce, c'est mourir. La politique, reprend l'auteur, est une pierre attachée au cou de la littérature et qui, en moins de 6 mois, la submerge. La politique au milieu des intérêts d'imagination, c'est un coup de pistolet au milieu d'un concert. Si vos personnages ne parlent pas politique, reprend l'éditeur, ce ne sont plus des Français de 1830 et votre livre n'est plus un miroir, comme vous en avez la prétention. Le procès-verbal de Julien avait 26 pages. Voici un extrait bien pâle, car il a fallu, comme toujours, supprimer les ridicules dont l'excès eût semblé odieux ou peu vraisemblable. Après plusieurs phrases de morale, l'homme gilet dit « La noble Angleterre est écrasée aujourd'hui, car chaque Anglais avant de payer son pain, est obligé de payer l'intérêt des 40 milliards de francs qui furent employés contre les Jacobins. Elle n'a plus de Pitt. Elle a le duc de Wellington. De grâce, silence, messieurs. Si nous disputons encore, il aura été inutile de faire entrer Monsieur Sorel. Il n'y a plus de Pitt. Y eut-il un nouveau Pitt en Angleterre ? On ne mystifie pas deux fois une nation par les mêmes moyens. C'est pourquoi un général vainqueur, un Bonaparte, est désormais impossible en France. On est pressé de me voir finir. Eh bien, messieurs, je serai bref. L'Angleterre n'a plus un sou au service de la bonne cause. La brève campagne de Waterloo lui a coûté à elle seule 1 milliard de francs. Et je vous dirai, aidez-vous vous-même. Car quand l'Angleterre ne paie pas, l'Autriche, la Russie, la Prusse, qui n'ont que du courage et pas d'argent, ne peuvent faire contre la France plus d'une campagne ou deux. L'on peut espérer que les jeunes soldats rassemblés par le jacobinisme seront battus à la première campagne, à la seconde peut-être. Mais à la troisième, dussé-je passer pour un révolutionnaire à vos yeux prévenus ? À la troisième, vous les aurez, les soldats de 1794, qui n'étaient plus les paysans enrégimentés de 1792. Messieurs, agissez par vous-mêmes. La noble France reparaîtra telle à peu près que nos aïeux l'avaient faite et que nos regards l'ont encore vue avant la mort de Louis XVI. Le trône, l'autel, la noblesse peuvent périr demain, messieurs. Tant que vous n'aurez pas créé dans chaque département une force de 500 hommes dévoués, non seulement avec toute la bravoure française, mais aussi avec la constance espagnole. Alors, vous pourrez compter sur une occupation étrangère. Les rois étrangers ne vous écouteront que quand vous leur annoncerez 20 000 gentilshommes prêts à saisir les armes pour leur ouvrir les portes de la France. Messieurs, notre tête est à ce prix. Entre la liberté de la presse et notre existence, comme gentilshommes, il y a guerre à mort. Formez vos bataillons, vous dirai-je, avec la chanson des Jacobins. Voulez-vous continuer à parler sans agir ? Non. Dans 50 ans, il n'y aura plus en Europe que des présidents de République et pas un roi. 200 000 jeunes appartenant à la petite bourgeoisie sont amoureux de la guerre. Rêve de vérité désagréable. Résumons-nous, messieurs. L'homme à qui il est question de couper une jambe gangrénée serait malvenu de dire à son chirurgien « Cette jambe malade est fort saine ». Passez-moi l'expression, messieurs, le noble duc de est notre chirurgien. Voilà enfin le grand mot prononcé. C'est vers lui que je galoperai cette nuit. La discussion reprit bientôt avec une énergie croissante et surtout une incroyable naïveté. Ces gens-ci me feront empoisonner. Comment dit-on de telles choses devant un plébéien ? Délibérons enfin, messieurs. N'essayons plus de nous persuader les uns les autres. Songeons à la teneur de la note qui, dans 48 heures, sera sous les yeux de nos amis du dehors. Rien de plus facile, ce me semble, que de résumer notre position. De 1806 à 1814, l'Angleterre n'a eu qu'un tort. C'est de ne pas agir directement sur Napoléon. Aujourd'hui, messieurs, ce n'est plus un homme qu'il faut immoler, c'est Paris. À quoi bon mêler la France à la chose qui est personnelle à Paris ? Paris seul, avec ses journaux et ses salons, a fait le mal. Que la nouvelle Babylone périsse ! Ce ne fut qu'à 3 heures du matin que Julien sortit avec Monsieur de La Mole. Le marquis était honteux et fatigué. Pour la première fois, en parlant à Julien, il y eut de la prière dans son accent. Il lui demandait sa parole de ne jamais révéler les excès de zèle, ce fut son mot, dont le hasard venait de le rendre témoin. N'en parlez à notre ami de l'étranger que s'il insiste sérieusement pour connaître nos jeunes fous. Que leur importe que l'État soit renversé. Ils seront cardinaux et se réfugieront à Rome. Nous, dans nos châteaux, nous serons massacrés par les paysans. Le voyage fut rapide et fort triste. À peine Julien avait-il été hors de la vue du marquis qu'il avait oublié la note secrète et la mission pour ne songer qu'au mépris de Mathilde. Il arriva auprès du grand personnage. Il perdit toute la matinée à solliciter en vain une audience. Par bonheur, vers les 4 heures, le duc voulut prendre l'air. Julien le vit sortir à pied, il n'hésita pas à l'approcher. Il tira la montre du marquis de la Mole et la montra avec affectation. Suivez-moi de loin. À un quart de lieue de là, le duc entra brusquement dans un petit coffee-house. Ce fut dans une chambre de cette auberge que Julien eut l'honneur de lui réciter ses 4 pages. Recommencez et allez plus lentement. Le prince prit des notes. Gagnez à pied la poste voisine. Abandonnez ici vos effets et votre calèche. Allez à Strasbourg comme vous pourrez. Et le 22 du mois, trouvez-vous à 12h30 dans ce même café-house. N'en sortez que dans une demi-heure. Silence. Telles furent les seules paroles que Julien entendit. C'est ainsi qu'on traite les affaires. Que dirait ce grand homme d'État s'il entendait les bavards passionnés d'il y a 3 jours ? Forcé de passer 8 jours à Strasbourg, Julien cherchait à se distraire par des idées de gloire militaire et de dévouement à la patrie. Était-il donc amoureux ? Il n'en savait rien. Il trouvait seulement dans son âme bourrelée Mathilde maîtresse absolue de son bonheur comme de son imagination. Il se promenait à cheval tristement dans les environs de Kehl. Une exclamation de gaieté lui fit lever la tête. C'était le prince Korazov, cet ami de Londres. Vous avez la mine d'un trappiste. Vous outrez le principe de la gravité que je vous ai donné à Londres. L'air triste ne peut être de bon ton. C'est l'air ennuyé qu'il faut. Si vous êtes triste, c'est donc quelque chose qui vous manque. Avez-vous perdu tout votre argent ? Ou seriez-vous amoureux de quelque petite actrice ? Pourquoi ne consulterais-je pas cet homme si aimable ? Eh bien oui, mon cher. Vous me voyez à Strasbourg fort amoureux. Et même... délaissé. Ah. Une femme charmante qui habite une ville voisine m'a planté là après 3 jours de passion. Et ce changement me tue. N'achevez pas. Pour vous donner confiance en votre médecin, je vais terminer la confidence. Le mari de cette jeune femme jouit d'une fortune énorme, ou bien elle appartient à elle, à la plus haute noblesse du pays. Il faut qu'elle soit fière de quelque chose. Voici 3 drogues assez amères que vous allez prendre sans délai. 1, voir tous les jours, madame, comment l'appelez-vous ? Madame de Dubois. Quel nom. Mais pardon, il est sublime pour vous. Il s'agit de voir chaque jour Madame de Dubois. Rappelez-vous le grand principe de votre siècle. Soyez le contraire de ce à quoi l'on s'attend. 2. Vous ferez la cour à une femme de sa société, mais sans vous donner les apparences de la passion. Je ne vous le cache pas, votre rôle est difficile. Vous jouez la comédie, et si l'on devine que vous la jouez, vous êtes perdu. Elle a tant d'esprit, et moi, si peu. Je suis perdu. Non, vous êtes seulement plus amoureux que je ne le croyais. Parbleu, entrons dans ce magasin. Voilà un col noir charmant. Faites-moi le plaisir de le prendre. Et de jeter bien loin cette ignoble corde noire que vous avez au cou. Ah ça, quelle est la société de Madame de Dubois ? Grand Dieu, quel nom ! Non, ne vous fâchez pas, mon cher Sorel, c'est plus fort que moi. À qui ferez-vous la cour ? À une prude, par excellence. Fille d'un marchand de bas immensément riche. Elle a les plus beaux yeux du monde et qui me plaisent infiniment. Julien songeait à Madame la maréchale de Fervaques qui venait beaucoup à l'hôtel de la Mole.